britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. Nasser, aux yeux des Anglais, est aujourd'hui un nouvel Hitler. Le journal populaire de droite, Daily Mail, l'appelle l'Hitler du Nil. Décision brutale, ultimatum, annexion, parce qu'enfin la nationalisation du canal de Suez, c'est presque une annexion. Rien ne manque au tableau. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. L'élargissement du canal de Suez avec des travaux d'élargissement et de doublement de la voie d'eau a été célébré de manière fastueuse le 6 août dernier par le maréchal Sisi, président de l'Égypte. Les travaux devaient durer 3 ans. Le nouveau chef de l'État a exigé et obtenu qu'ils aboutissent en 12 mois afin de témoigner hautement par cet accomplissement d'une autorité assumée et d'une fierté nationale retrouvée. Ainsi se confirmait ce qui a été manifeste depuis l'inauguration tonitruante du canal en novembre 1869, il n'a pas cessé d'être investi non seulement d'une importance économique majeure, mais aussi d'une intensité symbolique, c'est-à-dire politique, qui est incomparable. Symbolique de l'intrusion de l'énergie technique et financière des puissances occidentales dans la vieille terre des pharaons et dans l'espace musulman, symbolique de la colonisation puis de la libération de ce joug par la passion patriotique lorsque Nasser, en 1956, proclama la nationalisation du canal arraché à la propriété des Français et des Britanniques, symbolique enfin d'une capacité proclamée des Égyptiens, dans l'ordre du plus pratique, à s'élever au niveau des compétences des ingénieurs européens qui se croyaient irremplaçables. Le canal de Suez n'a jamais cessé, en somme, de s'affirmer comme un enjeu de première grandeur, comme un lieu focal où se lisent les évolutions fondamentales des 2 derniers siècles à hauteur de la planète tout entière. J'ai convié Caroline Piquet, maîtresse de conférences à Paris-Sorbonne, qui lui a consacré des travaux reconnus, à venir ce matin en évoquer l'histoire, depuis l'audace utopique des débuts jusqu'aux affrontements géopolitiques contemporains. Caroline Piquet, bonjour. Bonjour. Nous ouvrons notre conversation avec Aïda de Verdi, La Marche Triomphale. Très connue, c'est ici une interprétation du Philharmonia Orchestra sous la baguette de Ephraim Kurz, une interprétation de 1991. Cet opéra a été créé le 24 décembre 1871 au Caire. Et on dit souvent qu'il y a un lien très direct avec l'inauguration du canal de 1869. En fait, c'est 2 ans plus tard. Il y a un aspect légendaire. C'est un aspect légendaire, mais il y a aussi une symbolique forte. Le lien avec le canal de Suez tient au moment, c'est-à-dire que le rédive égyptien, le vice-roi, souhaite un opéra égyptien de la part de Verdi. Et c'est Auguste Mariette, le célèbre égyptologue, qui en 1869 fournit ce livret. Aïda représente, comme le canal de Suez, la célébration de l'Égypte ancienne, la gloire de son passé, mais magnifiée par l'art et la technique européenne. On se rappelle que c'est un opéra qui était situé à Memphis et à Thèbes au temps des pharaons et qui mettait en scène l'intrigue amoureuse entre une esclave éthiopienne qui est Aïda et un officier égyptien, Radamès, qui est naturellement contrarié par un conflit armé qui oppose leurs deux peuples. D'entrée de jeu, les dirigeants de l'Empire ottoman, et notamment le Khédive, le vice-roi d'Égypte, ont souhaité enraciner la longue durée de ce geste qui a abouti à construire ce canal, l'enraciner très loin en arrière. Et c'est vrai encore aujourd'hui, me semble-t-il, avec Sissi. Le thème du passé glorieux de l'Égypte est mis en avant lors de la cérémonie d'inauguration en 1869. Il est mis en avant également par les concepteurs du canal, que ce soit les Saint-Simoniens ou Ferdinand de Lesseps. Et aujourd'hui, c'est un thème repris alors d'abord par Sadat en 1975, lors de la réouverture du canal après la guerre d'octobre de 1973. Sadat parlait déjà de la restauration de ce passé glorieux grâce au canal de Suez. Le canal avait été fermé à la suite de la guerre des six jours de 1967. Il avait été fermé 8 ans, donc il était en piteux état. Et la reconquête de ce canal est une symbolique nationale, puisque les Égyptiens passent le canal en 1973 pour enfoncer les lignes israéliennes. Donc c'est la reconquête, une reconquête nationale, c'est la reconquête d'un espace et c'est la reconquête d'une mémoire, d'où ce lien avec l'Égypte antique, la grandeur de l'Égypte pharaonique. Plus récemment, en 2015, à l'été 2015, lors de l'inauguration des nouveaux travaux du canal de Suez. En août dernier, le président Sissi reprend cette thématique. Alors, on a pu voir l'érection d'une statue à Ismaïlia qui reprend ses thèmes, une paysanne égyptienne ailée, donc qui symbolise l'Égypte victorieuse. Des ailes immenses. Et flanquée à ses pieds de deux petits sphinx, une obélisque et également derrière. La paysanne rappelle le lien évidemment au passé pharaonique et glorieux de l'Égypte. Donc le canal de Suez est toujours célébré dans ce lien entre le passé glorieux de l'Égypte et puis la modernisation, l'élan de l'Égypte nouvelle. Est-ce que l'on cite volontiers encore Aristote ou Diodore de Sicile qui, dans l'Antiquité grecque, avait déjà envisagé la possibilité de transformer cet isthme en détroit ? Aristote, Hérodote, également Diodore de Sicile font référence au canal des pharaons. Les fouilles archéologiques dans les années 1930 ont mis effectivement en évidence un canal qui courait de la région du Delta, la ville de Zagazig, jusqu'à un site qui se situe à peu près au sud d'Ismaïlia actuellement. Alors ce canal témoigne d'une ancienne activité commerciale très intense entre la Méditerranée et la mer Rouge, donc qui a duré durant toute l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à peu près au 8e, 9e siècle, lorsque la mer Rouge se ferme, avec la présence de l'islam, se ferme aux Européens. Mais ce canal, naturellement, n'allait pas jusqu'à Suez d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il reliait le Nil au lac Amer. Il faut rappeler qu'au nord, il y a Port Saïd, au milieu Ismaïlia, construction artificielle liée au canal, et au sud, Suez. Oui, avant le 19e siècle, Port Saïd et Ismaïlia n'existaient pas. Il n'y avait que ce petit village de pêcheurs Suez qui a toujours été un village d'activité commerciale, de lien entre la Méditerranée et la mer Rouge. C'est aussi le lieu où s'arrêtaient les pèlerins en partance pour la Mecque. Et effectivement, avant le 19e siècle, lorsqu'on parle d'un canal des pharaons, on parle en fait d'un réseau de canaux entre les bras du Nil, les bras orientaux du Nil, jusqu'à la région de l'isthme de Suez, avec pour bassin naturel le lac Amer et le lac Timsa. Et ensuite des chameaux. Alors évidemment, après, la suite du périple se faisait par caravane de chameaux. Qu'est-ce que nous dit l'histoire ultérieure ? Les Vénitiens, par exemple, eux-mêmes avaient soumis en 1574 un projet de percement. Alors ça, c'est vraiment un percement de l'isthme de Suez. Au Conseil des Dix, ils voyaient large chez les Vénitiens. Oui, alors il faut bien comprendre que les Vénitiens, jusque-là, avaient la suprématie dans le commerce avec les Arabes en Méditerranée. Or, la présence des Portugais à partir du XVIe siècle en mer Rouge remet un petit peu leur suprématie commerciale en question. Et du coup, le Conseil des Dix envisage une nouvelle route pour concurrencer les Portugais à travers le percement de cet isthme. Alors, c'est effectivement le premier projet de percement de l'isthme, mais évidemment, pour des questions techniques, n'aboutira pas. Et il faut attendre le XIXe siècle pour que scientifiquement et techniquement, ce canal soit faisable. Ce que vous nous dites, c'est que les Portugais ayant contourné l'Afrique pour rejoindre l'Asie, les Vénitiens se sentent dépossédés d'une partie de leur efficacité commerciale. C'est cela qui est arrivé. Oui, c'est-à-dire que les Portugais captent toute une partie du commerce de la mer Rouge, alors que jusqu'à présent, Venise, à partir des ports du Levant, avait la mainmise sur ce commerce. Autre date importante, 1798, c'est-à-dire l'expédition des Français, l'expédition du général Bonaparte en Égypte, qui est un moment essentiel et où déjà des ingénieurs commencent d'envisager la possibilité de percer l'isthme en question. Entre le projet de Venise et l'expédition de Bonaparte en 1798, il y avait eu d'autres projets, notamment celui de Colbert, d'autres projets également à la fin du XVIIIe siècle. Colbert aussi s'y intéressait. Colbert également. Ces projets s'inséraient dans une ambition ancienne des Français de concurrencer les Britanniques dans l'océan Indien. Donc le canal de Suez offrait une route importante pour prendre de vitesse les Anglais sur cet itinéraire. C'est avec l'expédition de Napoléon Bonaparte en 1798 que le projet va connaître une autre dimension, puisque l'expédition comprend un certain nombre d'ingénieurs, de scientifiques. Ces derniers vont se livrer donc à une véritable étude de la faisabilité du canal, en étudiant notamment le niveau des mers, de la mer Méditerranée et de la mer Rouge. C'est évidemment essentiel de savoir si, une fois qu'on aura percé le canal, qu'est-ce qui se passera pour les eaux. Il y a un ingénieur qui mérite d'être cité ici, comme il mériterait d'avoir sa statue quelque part le long du canal, c'est Jacques-Marie Lepère, qui a publié un rapport intitulé « Mémoire sur le canal des deux mers ». Alors, c'est le premier à avoir effectué un relevé des deux mers, même si à l'époque, il se trompe d'à peu près 10 mètres, puisqu'il considère qu'il y a une différence de niveau entre les deux mers de 10 mètres. Et à son âme. Néanmoins, c'est le premier mémoire qui sera repris ensuite par des ingénieurs au début du 19e siècle, comme Linan de Belfond. Linan de Belfond qui est au service du vice-roi égyptien Mohamed Ali. Mohamed Ali qui s'entoure d'ingénieurs français pour mener la modernisation de l'Égypte. Et Linan de Belfond donc, va travailler sur le mémoire de son prédécesseur, vérifier les différences de niveau. Et c'est à partir de ces travaux que l'on va juger le canal faisable au niveau technique. Il est important de rappeler peut-être que le souverain de l'Égypte dépend théoriquement de l'Empire ottoman, mais en fait a une grande autonomie. C'est le Khédive qu'on appelle aussi le vice-roi. Cette situation, d'ailleurs, ne date que des années 1860. Auparavant, c'est un gouverneur. C'est à partir des années 1860 qu'on parle d'un vice-roi égyptien, ou Khédive en arabe, avec notamment le Khédive Ismaïl. L'essentiel, c'est que c'est l'interlocuteur, à partir de ce moment-là, de ceux qui veulent apporter une énergie nouvelle et qui veulent donner vie à ce projet, et qui s'efforcent d'expliquer que ce sera pour l'Égypte une occasion magnifique de développement économique. Et c'est là qu'il faut dire un mot des Saint-Simoniens, les merveilleux Saint-Simoniens qui projettent vers l'Orient leur rêve magnifique. Alors oui, la situation d'autonomie de l'Égypte dans l'Empire ottoman permet une marge de manœuvre. C'est-à-dire que si l'Empire ottoman est hostile, on peut toujours se tourner du côté du vice-roi égyptien. Les Saint-Simoniens arrivent en Égypte au début des années 1830, avec à leur tête le père Enfantin, disciple de Saint-Simon. Un visionnaire imaginant un monde où la technique et l'industrie prendraient le pas sur la politique traditionnelle au profit du bien-être des populations. Ils arrivent avec un grand projet de creusement du canal de Suez et de modernisation de l'Égypte plus généralement. Les Saint-Simoniens représentent une sorte de mélange entre le romantisme et la foi dans le progrès industriel. Le libre-échange également, donc c'est une théorie du développement par les canaux, par les moyens de communication. Et évidemment, le canal de Suez représente une opportunité formidable. Surtout qu'ils nourrissent une idée un petit peu mythifiée de l'Égypte. L'Égypte, c'est à la fois la mère et la femme de l'Occident. Donc avec le canal de Suez, l'Occident pourrait s'accoupler avec l'Orient pour développer la richesse de l'humanité. On peut dire que plus tard, l'Égypte a payé assez cher les atouts de sa géographie. Les Saint-Simoniens sont persuadés du contraire. Les Saint-Simoniens vont être à l'origine de la première société d'études sur le canal de Suez, mais ils vont être très vite marginalisés en réalité. Parce que c'est Ferdinand de Lesseps, un diplomate... Le voilà, on l'attendait. Ferdinand de Lesseps a des réseaux beaucoup plus solides que les Saint-Simoniens. Il est proche ami du prince héritier Mohamed Saïd. Il parvient donc à décrocher un acte de concession. C'est un diplomate qui est consul général. C'est un diplomate, oui. Un diplomate qui donc a été proche du prince héritier lors de sa formation en tant qu'élève consul. Son père avait déjà été consul général au Caire. Oui, et c'est durant ces années-là qu'il se lie d'amitié du coup avec la famille royale. Il a donc des réseaux puissants. Là où les Saint-Simoniens sont vus avec méfiance, notamment par Mohamed Ali, qui considère que ce projet de canal de Suez, eh bien, ça peut se traduire pour son pays par une influence plus grande des puissances étrangères. Donc il faut un changement de génération, c'est-à-dire l'arrivée de Mohamed Saïd au pouvoir en 1854 et son amitié avec Ferdinand de Lesseps pour que soit conclu un acte de concession. À partir de là, les Saint-Simoniens sont marginalisés. Ferdinand de Lesseps parlait de l'aberration saint-simonienne. En revanche, Ferdinand de Lesseps est très habile pour récupérer la symbolique autour du canal de Suez, c'est-à-dire l'idée d'une œuvre universelle où s'accouplent l'Orient et l'Occident. Un poète un peu oublié, peut-être le connaissez-vous, Caroline Piquet, pas moi, le poète Bornier, qui est primé par l'Académie française en 1862, produit les vers que voici. « Au travail, ouvrier que notre France envoie, tracer pour l'univers cette nouvelle voie. Vos pères, les héros, sont venus jusqu'ici, soyez fermes comme eux et soyez intrépides. Comme eux, vous combattez au pied des pyramides et leurs 4000 ans vous contemplent aussi. » Allusion évidemment au propos fameux de Bonaparte, du haut de ces pyramides, 4000 ans vous contemplent. Ces vers nous rappellent aussi l'importance du chantier en 1859. Plus encore que de la poésie française. Je crois que ça dépasse la France. Et d'ailleurs, Ferdinand de Lesseps le disait très bien. Il a fait campagne en France, il a fait campagne un peu partout en Europe et surtout en Grande-Bretagne. Et il le rappelait, c'est une œuvre universelle, donc en reprenant d'ailleurs la thématique des Saint-Simoniens. Le chantier est célébré comme tel d'ailleurs, comme une œuvre au service du commerce international et de l'humanité. Il est célébré par des messes d'ailleurs, qui célèbrent le premier coup de pioche, la première pierre de telle ou telle ville, de tel ou tel tronçon. Donc il y a toute une solennité autour du chantier. Et effectivement, le chantier du canal de Suez, on peut parler du plus grand chantier du 19e siècle, autant par sa symbolique que par son aspect technique. Le chantier du canal de Suez est particulièrement difficile, c'est dans une région désertique, c'est une région également où il n'y a pas du tout de main-d'œuvre, donc il y a un défi technique qui est à la hauteur de la révolution industrielle et de ce siècle ambitieux qu'a été le 19e siècle. Et le canal de Suez va d'ailleurs être un moment important dans la modernisation des techniques de dragage et de certains procédés, comme le béton aggloméré, par exemple. Il y faut 10 ans, avec en effet la rencontre des manières de travailler les plus traditionnelles, avec des fêlards malheureux qui prennent la glaise avec leurs mains, et puis l'arrivée des techniques contemporaines, avec la vapeur en particulier qui est employée. Oui, c'est un problème de main-d'œuvre qui explique la mécanisation du chantier. Pendant 10 ans, ça a duré 10 ans. Ça a duré 10 ans, effectivement, parce que le chantier a débuté avec une main-d'œuvre employée dans le cadre de la corvée. Alors, la corvée, c'était un système de service utilisé sur d'autres chantiers plus traditionnels en Égypte. Un servage. C'est le vice-roi d'Égypte qui avait voulu cela, parce qu'il redoutait la colonisation du territoire par l'arrivée d'ouvriers étrangers. Au niveau des archives, on ne sait pas exactement à combien se monte le nombre de morts. Sûrement beaucoup, beaucoup. Nasser parle de 120 000 morts dans son discours de 1956. C'est peut-être exagéré, mais ce qui reste dans les esprits, c'est que les Égyptiens sont morts pour une infrastructure dont ils vont être dépossédés une partie de leur histoire jusqu'en 1956. La Grande-Bretagne et l'Empire ottoman font campagne contre ce canal de Suez et contre Ferdinand de Lesseps, en prenant l'argument de la corvée en 1864. Et donc, Ferdinand de Lesseps est obligé d'abandonner la corvée. Cet abandon oblige donc le chantier à avoir recours à une autre main-d'œuvre et surtout à mécaniser le chantier. Donc, c'est une étape importante dans la mécanisation. Et également, on voit l'arrivée d'ouvriers, mais alors d'ouvriers beaucoup plus qualifiés, qui viennent cette fois-ci essentiellement de Grèce ou d'Italie. Et puis il y a cette sorte de parrainage constant que vous évoquez, le parrainage des catholiques. Monseigneur Dupanloup explique que le canal ouvre un continent et par cette ouverture, on verra passer Dieu, rien que ça. Un chemin plus rapide est ouvert à l'évangile vers les Indes. Et puis simultanément, on trouve aussi les francs-maçons très présents. Beaucoup de loges sont créées en Égypte. Oui, le canal de Suez a attiré beaucoup d'aventuriers, beaucoup de rêveurs. Alors, il y a eu les Saint-Simoniens. Les francs-maçons s'installent dans les premières années. Des loges se créent, essentiellement des loges françaises d'ailleurs, qui perdurent jusqu'à la nationalisation. On peut citer évidemment les missionnaires également, puisque Ferdinand de Lesseps obtient le soutien du pape Pie IX. Les missionnaires vont consacrer en fait le chantier du canal de Suez aussi comme une œuvre de civilisation. Alors, ils sont très présents durant le chantier, mais ils sont ensuite présents dans toute l'organisation urbaine, éducative de l'isthme de Suez, et cela jusqu'en 1956. N'allons pas trop vite et restons un bref instant sur l'inauguration du canal de Suez. Antérieure de peu de temps à la chute de l'Empire de Napoléon III, nous sommes le 17 novembre 1869. Ce récit ultérieur, un récit de Pierre Ishac du 18 novembre 1949, je l'ai prise dans l'émission qui s'appelait « Le canal de Suez à 80 ans ». Ce récit est assez évocateur, écoutez-le. Nous sommes à Port Saïd, le premier jour des fêtes d'inauguration du canal creusé grâce à l'inlassable obstination de M. Ferdinand de Lesseps. Réalisation splendide qui fait honneur au génie français et à la compréhension égyptienne. À Port Saïd, aujourd'hui, Égyptiens et Européens forment une foule pittoresque et bigarrée qui fraternise. Jamais le désert n'a été aussi peuplé. Au bord de la mer, sur la plage, au pied du phare de Port Saïd, les pavillons de toile aux couleurs éclatantes, dressés spécialement, attendent les royaux invités pour la cérémonie de bénédiction du nouvel ouvrage d'art. Cérémonie de bénédiction à la fois catholique et musulmane. Le khédive Ismaïl Pacha, vice-roi d'Égypte, reçoit ses hôtes. Voici tout d'abord l'impératrice Eugénie, assise dans son élégante calèche traînée par quatre chevaux et abritée du soleil brûlant par son ombrelle blanche qu'elle manie avec aisance. Des saïdes, le torse nu, précèdent sa voiture en courant. Voici maintenant l'empereur François-Joseph, coiffé d'un voile bleu pour protéger sa nuque. Voici la princesse royale des Pays-Bas, le prince de Galles, le prince royal de Prusse, le prince héritier de Hanovre. Et voici l'émir Abdelkadir, drapé d'une gandoura de soie blanche. Et surprise, voici maintenant le commandeur des croyants, le fier sultan Abdul Aziz, venu de Constantinople. Monsieur de Lesseps, fatigué mais rayonnant, apparaît portant le grand cordon de la Légion d'honneur. Une forêt de mâts et de cheminées se dresse immobile dans le port à l'entrée du canal. Demain, 17 novembre, les souverains à bord de ces vaisseaux qui constituent la flotte d'inauguration entreront dans les eaux calmes du canal et atteindront Suez 3 jours plus tard. L'impératrice Eugénie se trouve à bord de l'Aigle, l'empereur d'Autriche à bord du yacht autrichien Greff, le prince de Prusse à bord du yacht Grill, le prince de Hollande à bord d'un bateau à vapeur, et derrière ces bateaux, une quarantaine d'autres embarcations suivront les navires impériaux. À Ismaïlia, les souverains seront reçus avec une magnificence sans égale par leur hôte, le vice-roi d'Égypte, qui leur offrira dans la ville qui porte son nom un banquet de 5000 couverts, un grand bal, et des réjouissances dignes des mille et une nuits. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Puisque nous parlons ce matin, Caroline Piquet, du canal de Suez, hier, aujourd'hui, on ne peut pas ne pas rappeler que le maréchal Sissi, l'actuel chef d'État de l'Égypte, a tenu, c'est vraiment frappant et symbolique, à venir dans cette fête qui a été pratiquement aussi fastueuse en août dernier que celle de 1869, a tenu à venir sur le yacht de l'impératrice Eugénie. C'était la femme de l'épouse de Napoléon III, je le rappelle. C'est étonnant de voir combien le maréchal Sissi a repris la symbolique de la première cérémonie d'inauguration en 1869, le même faste, le même invité d'honneur. La France. En 1869, c'est effectivement la famille impériale. Et maintenant, c'est François Hollande. Accompagné de Jack Lang, président de l'Institut du Monde Arabe. Évidemment, il y a une explication économique avec la vente des Rafales et d'une frégate. On célèbre le partenaire économique en 1869 comme en 2015. Et derrière le partenaire, il y a également toute la symbolique de l'ouverture de l'Égypte au monde. En 1869, le Rédive accueille ses hôtes dans un faste incroyable. En 2015, le président Sissi accueille aussi ses hôtes, en particulier le président français, avec tout un faste aussi qui rappelle la cérémonie de 1869. Ferdinand de Lesseps parlait d'une fête de l'humanité en 1869, donc on était déjà dans l'hyperbole. Le président Sissi, lui, parle d'un canal offert au monde, mais voyons, on retrouve quand même cette même symbolique d'une Égypte qui s'ouvre au monde, qui est fière de le faire et qui s'inscrit donc dans la mondialisation des échanges, tout en affirmant évidemment son identité et sa fierté nationale. Dans les deux cas, il y a eu naturellement des critiques assez vives sur l'argent dépensé dans des pays où beaucoup de misère était présente, bien sûr. Mais peu importe, à quelqu'un comme Lesseps, il est assez volontiers grandiloquent. Il dit à l'époque, sur cette terre d'Égypte, l'un des berceaux de l'humanité, le monde moderne manifestait sa puissance sous la forme la plus saisissante et la plus durable. La science réveillait de son antique sommeil la terre des pharaons. C'est vraiment ce dialogue entre la modernité de la technique et l'ancienneté de l'histoire qui est au cœur de cette symbolique de cette histoire du canal de Suez. La science traçait à la civilisation une route pacifique et féconde à travers les sables du désert. Féconde, oui, la suite a montré que ce n'était pas très pacifique. Le canal va s'inscrire dans les années 1880 dans les jeux d'influence des pays européens en Méditerranée et dans l'océan Indien. Il n'empêche que pendant longtemps, en France notamment, le mythe du canal de Suez, magnifique succès, a prospéré. Cela explique aussi pourquoi Lesseps a souhaité ensuite creuser le canal de Panama, qui a été un échec et qui a abouti à un scandale qui n'est pas notre sujet ce matin, Caroline Piquet. Mais écoutez néanmoins la manière dont Ernest Renan accueille à l'Académie française, le 23 avril 1885, Ferdinand de Lesseps. Le lecteur est un peu grandiloquent, plus probablement que n'a dû l'être Renan, mais peu importe. C'est un extrait de l'émission de Pierre Ichac, toujours lui, le 18 novembre 1949. Le grand mot, je suis venu apporter non la paix, mais la guerre. A dû, monsieur, se présenter fréquemment à votre esprit. L'isthme coupé devient un détroit, c'est-à-dire un champ de bataille. Un seul Bosphore avait suffi jusqu'ici aux embarras du monde. Vous en avez créé un second, bien plus important que l'autre, car il ne met pas seulement en communication deux parties de mer intérieure. Il sert de couloir, de communication à toutes les grandes mers du globe. En cas de guerre maritime, il serait le suprême intérêt, le point pour l'occupation duquel tout le monde lutterait de vitesse. Vous aurez ainsi marqué la place des grandes batailles de l'avenir. Les grandes batailles de l'avenir, Renan est assez prémonitoire. C'est lui qui dit aussi que l'Égypte n'est pas une nation désormais, c'est un enjeu. Oui, parce que la situation depuis l'inauguration a bien évolué. L'Europe est rentrée aussi dans la course aux colonies. La France a été vaincue en 70, ce qui n'est pas sans importance. L'impérialisme prend aussi une nouvelle dimension en Europe et en Méditerranée en particulier. Les jeux d'influence avec les Britanniques s'aiguisent. Dans les années 1870, l'Angleterre profite de la faiblesse économique de l'Égypte pour racheter une partie des actions du canal, donc elle devient l'actionnaire principal du canal, ce qui ne plaît guère à la France. D'autre part, ce rachat des actions du canal de Suez est le préalable à la mise sous tutelle du pays en 1876. Et quelques années plus tard, en 1882, les Britanniques prennent le prétexte du canal de Suez et de la sécurité des minorités pour occuper l'Égypte. C'est l'effondrement en fait de toutes les espérances des Khédives, de ceux qui dirigeaient l'Égypte. Ce devait être à leurs yeux une forme d'émancipation et au contraire, c'est un motif d'affaissement de leur autonomie nationale. Oui, l'Égypte va payer très cher d'ailleurs le financement du canal de Suez et son endettement. 1882, l'occupation par les Britanniques. Ensuite, le canal de Suez va transformer l'Égypte en un enjeu entre les puissances. Alors ce sera le cas durant les deux guerres mondiales, puisque l'Égypte va être le centre de commandement des Britanniques dans la région. Ce sera le cas également durant les guerres israélo-arabes, où le canal de Suez va devenir un front militaire. Et donc la prophétie de Renan, évidemment, se confirme durant tout le XXe siècle. Et il faut véritablement attendre la présidence de Sadat et la dernière guerre israélo-arabe pour qu'on rentre à nouveau dans une ère pacifique, ce retour un petit peu à l'idée d'un canal au service du monde. Il faut expliquer ce qui s'est passé d'abord au début du XXe siècle. Donc je vous ralentis quelque peu, y compris avant 1914, où il y a eu beaucoup de tensions. La question s'est posée en particulier dans les années 1900, de savoir si on allait accepter en Égypte de repousser de 50 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2008, quelque chose comme ça, l'engagement qui était au début centenaire. Et là, il y a des protestations considérables. Le premier ministre, d'ailleurs, égyptien, est même assassiné, Boutros Ghali. C'était, je crois, le grand-père de celui que nous venons de perdre, c'est-à-dire l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Oui, le canal de Suez devient un enjeu politique en Égypte à partir de 1882, c'est-à-dire lorsque les Britanniques occupent militairement le pays. Au début du XXe siècle, l'Égypte connaît une montée du nationalisme, notamment avec la création du Parti National. Et une des grandes revendications, c'est effectivement le départ des Britanniques, mais aussi le retour du canal de Suez dans le giron de l'Égypte, surtout le fait que les bénéfices financiers puissent être investis en Égypte et servir l'économie égyptienne. Une première grande crise a lieu en 1909 lorsqu'effectivement les dirigeants de la compagnie souhaitent prolonger la concession. Donc, la concession avait été définie pour 99 ans, donc elle courait jusqu'en 1968. Et la rallonger de 40 ans, c'était la rallonger jusqu'en 2008, ce qui pour les Égyptiens était impensable, c'était complètement hypothéquer l'avenir. Cela entraîne une grave crise politique en Égypte et en tout cas, et à ce moment-là, les choses sont claires. Les Égyptiens sont engagés dans la reconquête du canal, que ce soit une reconquête par la rue ou que ce soit une reconquête par l'État, c'est-à-dire par des lois plus coercitives envers les sociétés étrangères, dont la plus grande, c'est-à-dire celle du canal de Suez. Alors naturellement, pour les Égyptiens, de plus en plus, à mesure que monte ce nationalisme, l'idée que ce canal, qui devrait leur appartenir, leur échappe, est de plus en plus insupportable, à la fois pour les intellectuels, les nationalistes, et aussi pour les religieux qui commencent d'affirmer leur autorité. Les frères musulmans apparaissent à Ismaïlia, la ville centrale du canal, en 1928. Oui, Hassan el-Banna, le guide, le fondateur des frères musulmans, le rappelle dans ses mémoires, c'est l'univers très européen d'Ismaïlia, un univers saturé par l'étranger, qui le pousse à fonder les frères musulmans. Il faut bien avoir en tête que, à partir de 1882, le canal de Suez, c'est aussi une zone, l'isthme de Suez, qui progressivement va se couvrir de camps militaires britanniques. Surtout après 1936, donc il y a un traité d'amitié avec l'Égypte, les Britanniques se retirent progressivement du pays, mais ils gardent le canal de Suez comme une base stratégique pour conserver une influence dans tout le Moyen-Orient. On parle d'alliance perpétuelle, ce qui est toujours une illusion en histoire. Mais les Britanniques sont très habiles dans la façon de mener l'indépendance de l'Égypte par étapes et surtout de préserver leurs intérêts, ce qui se traduit sur le terrain par des camps immenses. Ce sont parmi les camps militaires les plus grands du monde. Et après 1936, c'est plus de 20 000 soldats britanniques qui peuplent cette région. C'est pour ça que pour beaucoup de nationalistes égyptiens, l'État dans l'État, c'est non seulement la compagnie du canal de Suez, mais c'est aussi tous ces camps britanniques. Pour des nationalistes égyptiens, ce qui est insupportable, c'est que l'Égyptien n'est plus chez lui. Non seulement il n'a pas de bénéfice de cette infrastructure, mais en plus, il n'est plus chez lui. Il évolue dans des villes à l'architecture européenne, où sont célébrées des messes, où les Européens se rencontrent dans des clubs à l'anglaise. Bref, cela explique que les frères musulmans en 1928 se constituent pour dénoncer la présence européenne. Alors, ils ne sont pas les seuls. C'est une période en Égypte où sont créées beaucoup d'associations qui mêlent le discours politique au discours social. Les frères musulmans vont intensifier leur action et ils vont devenir les plus hostiles à la compagnie du canal de Suez, jusqu'à infiltrer également les syndicats d'ouvriers. Avec le ressort religieux qui s'ajoute aux autres. On voit par exemple un fondateur des frères musulmans que vous évoquez, Hassan el-Banna, qui écrit dans ses mémoires « Matin et soir, les signes de l'occupation étrangère et de la prééminence européenne crevaient les yeux. Le canal de Suez, c'était lui la cause du mal, la racine de la plaie. À l'ouest, le camp militaire anglais avec ses installations et son armement, et à l'est, le bureau général de l'administration de la compagnie du canal avec son mobilier, son personnel de direction, son ampleur, sa hiérarchie. L'Égyptien, c'est cela qui est important, dans toute cette atmosphère, se sentait étranger chez lui. D'autres profitaient des biens de son pays. Méprisé, il constatait que les étrangers tiraient gloire de l'exploitation des ressources de l'Égypte. C'est un sentiment qui est partagé par l'ensemble de la population. Ce n'est pas propre aux frères musulmans. Nous sommes dans un moment de tension entre l'occupation britannique et le mouvement nationaliste égyptien. En 1936, les Britanniques se retirent des affaires intérieures. Donc ça signifie que les Égyptiens reprennent les rênes de leur État. Et cet État va se faire beaucoup plus vigilant dans le fonctionnement des sociétés étrangères, notamment celle du canal de Suez. C'est-à-dire que l'État va peser sur le fonctionnement de cette entreprise et va notamment imposer à l'entreprise d'élever le montant de sa redevance, de faire participer des Égyptiens au conseil d'administration, donc ça c'est tout à fait nouveau depuis le 19e siècle. Et enfin, et c'est le point important, les gouvernements à partir de 1936 vont imposer à l'entreprise une politique de formation des Égyptiens. Parce que l'idée évidemment, qui n'a jamais quitté les Égyptiens, c'est de récupérer le canal en 1968. Et donc d'être prêt techniquement, ce dont doutaient les ingénieurs français et britanniques, et ils vont avoir au moment de la nationalisation de 1956, à cet égard, de mauvaises surprises de leur point de vue. Mais un mot d'abord sur les effets de la Seconde Guerre mondiale, sur cette évolution, cette histoire du canal de Suez dont nous traitons ce matin. Alors, la Seconde Guerre mondiale est une étape importante parce que, à la fin des années 30, les Égyptiens ont acquis une certaine indépendance dans leur fonctionnement politique et ont acquis aussi un certain poids dans le fonctionnement de la compagnie du canal de Suez. Or, la Seconde Guerre mondiale, c'est un moment de reprise de contrôle des Britanniques du territoire, puisque les Britanniques installent leur quartier général en Égypte pour tout le Moyen-Orient. Donc, évidemment, le pays repasse sous le contrôle des Britanniques, ça veut dire plus de soldats britanniques dans le pays, et ça veut dire aussi un arrêt des négociations avec l'entreprise Suez. Et résurgence des frustrations patriotiques. Les frustrations vont surtout s'exprimer à la sortie de la guerre, et effectivement, les années 40, la fin des années 40 est marquée par de très grandes manifestations, que ce soit dans la zone du canal de Suez ou dans tout le pays, des manifestations de caractère nationaliste, mais également social. On voit une volonté de se réapproprier l'espace aussi très forte. Par exemple, les statues des étrangers, que ce soit les statues des ingénieurs, la statue de la reine Victoria, sont violemment vandalisées. Les Égyptiens affirment par ces gestes-là une volonté de récupérer l'espace. L'histoire des statues, c'est très intéressant du point de vue de l'histoire à la fois politique internationale et des mentalités. Oui, parce que évidemment, l'espace était saturé par la mémoire des Européens, ingénieurs ou hommes politiques. Le nom des rues aussi, à Ismaïlia, les noms des rues portaient le nom des grandes familles régnantes de 1869. Les Égyptiens, à la fin des années 40, décident de changer le nom des rues dans des villes du canal, vandalisent les statues. Et la plus célèbre, évidemment, en 1956, sera dynamitée, c'est la statue de Ferdinand de Lesseps. Qui accueillait les navires à l'entrée du canal à Port Saïd. Voilà, et le socle est resté vide jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là qu'on en arrive au moment décisif, au coup de tonnerre, qu'est la nationalisation du canal de Suez, annoncée par Nasser, qui, depuis peu de temps, est le Raïs, le guide de l'Égypte. En 1952, le roi Farouk a été renversé. D'abord le général Néguib, et puis l'homme fort, c'est Nasser. Il annonce, donc, dans un discours resté célèbre, ponctué par un rire homérique, il annonce sa décision. Et il y avait un témoin, qui était le grand journaliste Jean Lacouture, qui était à ce moment-là en Égypte. C'est une archive extraite de l'émission Le Point du Septième Jour, sur France Inter, le 5 mai 1973. Ah, c'était une scène tout à fait extraordinaire. On nous avait annoncé au Caire, quelques jours après que Foster Dulles ait refusé les crédits pour l'Égypte, et on savait que Nasser allait réagir en rentrant en Yougoslavie, où il venait de s'entretenir avec Tito et Nehru. Quand il est rentré, on a l'impression qu'il se préparait quelque chose, mais on se demandait ce qu'il allait faire. Et il était rentré le 21 juillet, si je me rappelle bien, et le 26, on a annoncé qu'il ferait un discours à Alexandrie. Bon, nous sommes partis pour Alexandrie, notamment avec mon ami Gabriel Dardot de l'AFP, en disant qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire. Et nous avons pendant 3 heures entendu Nasser parler, un discours assez impressionnant, assez émouvant. Il était toujours un homme très intéressant à entendre. Mais enfin, ça débouchait sur quoi? Et au bout de 3 heures, Dardot s'est retourné vers moi en disant « On a peut-être eu tort de venir, c'est quand même un peu ennuyeux, c'est très long. » Et puis, un moment après, on a entendu le mot « de Lesseps ». On s'est regardé en disant « Tiens, il parle de Lesseps ». Et nous ne savions pas que c'était le mot de code qui devait déclencher l'opération. Quand il prononçait « de Lesseps », les commandos ont commencé à prendre position sur le canal et ont commencé à prendre position de possession des locaux de la compagnie internationale sur lesquels ils ont posé les scellés. Et ils ont fait pratiquement prisonniers les responsables principaux de la compagnie internationale du canal de Suez, notamment les Français. Et alors, il y a eu, à partir du moment où il a commencé cela, où il a commencé à dire « le canal exploité l'Égypte, c'est la colonisation », et bon, petit à petit il a dit « je prends le canal pour payer le barrage », il y a eu une explosion formidable dans cette foule de 300 ou 400 000 personnes qui étaient massées à Alexandrie autour de lui. Et ça a été un moment très impressionnant, et je me souviens que quand il a, dans cet éclat de rire, qui était un éclat de rire d'émotion, je crois plus que de défi, il était stupéfait lui-même de ce qu'il venait de dire, il en a ri tellement c'était audacieux. Et quand nous sommes descendus de la tribune où il était, nous étions groupés autour de lui, nous sommes descendus, un de ses amis les plus intimes, et qui avait été son plus proche compagnon pendant des années, le commandant Khaled Moyeddin, m'a dit « c'est un geste courageux, mais que Dieu nous aide ». Cet entretien, Caroline Piquet, cet entretien avec Jean Lacouture et cette voix de Nasser qu'il fallait faire entendre dans notre émission consacrée au canal de Suez, c'est un événement qui a une portée planétaire. La crise de Suez est une crise de la décolonisation, mais qui s'inscrit dans un contexte nouveau de la guerre froide. Alors, on ne peut pas parler d'une crise de la guerre froide, puisque Américains et Soviétiques vont parler de la même voie contre les Britanniques et les Français. En revanche, on peut parler d'une crise de la décolonisation, puisque Français et Britanniques pensent pouvoir encore utiliser la politique de la canonnière en Égypte en 1956. C'est-à-dire qu'ils organisent tout simplement une expédition conjointe sous l'autorité des Anglais, mais les Français sont là aussi, pour aller contraindre Nasser à retirer son emprise du canal de Suez. Alors, pour les Français, pour les Britanniques, l'acte de Nasser est un défi à leur position en Méditerranée et à leur prestige plus généralement. Et la France pense naturellement à l'Algérie où la guerre a commencé depuis 2 ans. Alors, la France est très remontée contre Nasser puisque celui-ci soutient le FLN. D'autre part, il y a une vraie... de la part de Guy Mollet, président du Conseil socialiste depuis janvier 1956, depuis quelques mois, oui. Du côté de Guy Mollet, il y a également une grande préoccupation vis-à-vis d'Israël, une préoccupation qui est partagée par les Britanniques. Bien que pour les Britanniques, le vrai souci, c'est leur position dans la région, maintenir une influence en Égypte, et surtout, c'est la question économique, puisque par le canal de Suez, passe près de 3/4 du pétrole venant du Golfe Persique, et c'est essentiel pour l'économie européenne engagée dans les Trente Glorieuses. Anthony Eden, d'ailleurs, dramatisera la situation à la radio en annonçant que c'est une question de vie ou de mort pour l'Europe. Rien que ça. Oui. Et on voit bien combien la question économique a pesé pour les Britanniques. Et jamais l'Angleterre n'a été aussi proche d'Israël, puisqu'on s'arrange secrètement pour que naisse un conflit entre Israël et l'Égypte, les Français et les Anglais prétendant venir s'interposer. C'est évidemment un leurre, et on a aujourd'hui des documents qui prouvent que c'était un leurre. Oui, la crise de Suez s'inscrit aussi dans un climat très lourd entre l'Égypte et Israël, qui reste en guerre depuis 1948, c'est-à-dire la première guerre israélo-arabe. Depuis la naissance de l'État d'Israël. Et d'autre part, les tensions se sont intensifiées dans les années 50, à propos du canal de Suez, à propos aussi des fédaïnes à Gaza. Donc la tension est très, très forte entre l'Égypte et Israël. D'autre part, Nasser déplaît aux Occidentaux parce qu'il accomplit quelques gestes symboliques, il reconnaît la Chine populaire, il se met du côté des pays non alignés, à Bandung en 1955. La grande conférence du tiers-monde. Donc il commence un petit peu à agacer les Américains, ce qui explique d'ailleurs le refus de la Banque mondiale de lui financer le haut barrage d'Assouan. Qui est un des motifs affichés par lui de la nationalisation du canal de Suez. Oui, parce que la révolution de 1952 avait quand même pour objectif, outre l'indépendance politique, l'indépendance économique, ou du moins le développement économique du pays. C'était un thème essentiel pour un pays aussi pauvre. Et le haut barrage fait partie du projet de développement de Nasser. Lui refuser ce projet, c'est effectivement mettre un frein à sa révolution. Donc, Nasser a besoin d'argent. Si la Banque mondiale lui refuse, eh bien, il ne reste qu'une solution, c'est nationaliser le canal de Suez. Une nationalisation qu'il n'avait pas prévue jusque-là. Il avait été très prudent. Il préférait préparer le passage à l'Égypte en 1968 par une bonne formation du personnel. Nasser n'avait pas imaginé une nationalisation aussi rapide jusqu'au refus de la Banque mondiale de financer le haut barrage. Du côté des Français et du côté des Britanniques, on va se heurter à un accord un peu étrange, mais très efficace, contre eux, des deux grands, à l'époque de la guerre froide, des Russes et des Américains, pour leur dire « retirez-vous, retirez-vous ». Et l'extrait que je vais vous faire entendre, de l'interview de Guy Mollet, qui est donc le président du Conseil socialiste en France, est assez topique parce qu'il montre que cet entretien est enregistré peu de temps après l'ordre donné par les puissances aux Anglais et aux Français de se retirer. Il paraît encore prétendre, c'est une interview de Pierre Sabag, le 12 novembre 1956, que cette expédition a pu être positive. Pour en venir plus directement à l'Égypte et à Suez, est-ce que, Monsieur le Président, vous pouvez déjà dresser un premier bilan de l'action franco-britannique en Égypte? C'est prématuré. En réalité, c'est une opération à long terme. Et il faudra beaucoup de recul pour qu'on apprécie ce qui s'est en fait passé là. Mais dès à présent, on peut tout de même signaler quelques points. D'abord, quoi qu'en disent ceux pour qui la France a toujours tort, le prestige de Nasser est tout de même atteint. Les soldats égyptiens ont montré, face aux soldats d'Israël, le peu d'empressement qu'ils avaient à mourir pour Nasser. Oui, je dois dire que là encore, la télévision française a montré des images très caractéristiques. Et même si l'opinion arabe est trop souvent privée de moyens d'information réels, si on a tellement menti à son égard à la radio du Caire, cependant, les gouvernements, au moins, les gouvernements arabes, mais même le gouvernement soviétique, savent maintenant ce que vaut leur allié. À mon avis, le leadership égyptien est bien mort. Peut-être quelque chose d'autre doit être dit. Certains en France ou ailleurs se sont demandé le sens de cette intervention. Se sont demandé s'il n'y avait pas là une attitude quasi belliciste de la part du gouvernement britannique et du gouvernement français. Je ne vais pas m'étendre longuement, mais laissez-moi seulement vous dire que si en 1936, ou mieux encore, la comparaison sera meilleure, si en 1938, au moment de l'attaque hitlérienne sur la Tchécoslovaquie, si un gouvernement français et un gouvernement anglais avaient osé ce même geste contre Hitler, je suis certain qu'à cette époque, on les eût critiqués, que certains les auraient accusés très certainement de bellicisme. Et pourtant, aujourd'hui, avec le recul, on sait que ces hommes auraient sauvé des dizaines de millions de vies d'êtres humains. Non, nous n'avons pas à regretter ce que nous avons fait. Autant moins que nous avons mis à découvert l'intrusion soviétique au Proche-Orient. Elle a été démasquée, alors que souterrainement, elle se préparait depuis quelques mois. C'est un peu comme si nous avions renversé une fourmilière. Et aujourd'hui, la présence d'une force des Nations Unies dans la zone de Suez et du Sinaï, c'est un pas vers l'internationalisation de ces problèmes, c'est un pas que nous attendions et que nous accueillons chaleureusement. Je suis convaincu que maintenant, nous avons rendu apparente la nécessité d'un règlement de paix général en Proche-Orient. Bon, Caroline Piquet, le président du Conseil français, le chef du gouvernement, essaie de dissimuler la formidable claque que notre pays, avec l'Angleterre, a reçue. Nous, on va vers l'internationalisation. On voulait empêcher, tout simplement, la nationalisation du canal et on n'y est pas du tout parvenu. Et puis, il y a l'allusion à Munich. Oh, comme elle a servi, cette allusion à Munich. Beaucoup de discours dans tous les ordres. Depuis des dizaines d'années, on ne cédera pas. Franchement, la comparaison avec Hitler et Nasser, qui a fleuri cette comparaison, y compris dans la presse anglaise, beaucoup à ce moment-là, avec le recul, atteint très vite ses limites, non ? Oui, c'est une lecture tout à fait particulière de la crise de Suez, puisque en réalité, Israël n'est pas menacé par la nationalisation du canal de Suez. Ni la France. Et Israël est un agresseur avec les Britanniques et les Français. Ni la France, d'ailleurs, n'est véritablement menacée par cette nationalisation. Et d'ailleurs, Nasser, pour justifier son geste, prendra toujours l'exemple des nationalisations des banques et des services publics en France et en Grande-Bretagne en 1945. Donc pour lui, il y a quelque chose qui relève de l'ordre juridique et non pas d'un bras de fer militaire avec les puissances. Les Américains, les Soviétiques, en demandant le cessez-le-feu et le retrait des Britanniques, Français et Israéliens, donnent raison à Nasser. Évidemment, ce n'est pas une victoire militaire pour Nasser. En revanche, c'est une formidable victoire diplomatique. Nasser a su utiliser les marges de manœuvre que lui laissait la guerre froide pour mettre fin à cette ingérence britannique et française en Égypte et plus globalement d'ailleurs au Moyen-Orient. L'expédition n'a pas été anodine. D'ailleurs, il y a eu au moins 20 000 morts parmi les Égyptiens du fait de l'arrivée des troupes françaises et britanniques. On a souvent dit que c'était un succès sur le terrain, mais évidemment un formidable échec diplomatique. Un formidable échec diplomatique, puisque non seulement la compagnie est nationalisée, donc la présence française va disparaître en Égypte et pendant de nombreuses décennies. Quant aux Britanniques, ils perdent la possibilité d'utiliser leur base militaire selon le traité de 1954. Donc cette crise de Suez scelle bien la fin de l'influence britannique au Moyen-Orient, l'influence britannique et l'influence française également en Égypte. Les Français et les Britanniques disparaissent au profit des Soviétiques et des Américains. Donc là, le Moyen-Orient entre de plein pied dans les logiques de la guerre froide. L'enjeu du canal de Suez restant évidemment essentiel, mais il a évolué depuis le temps de Ferdinand de Lesseps. Il me semble qu'il faut le dire, puisque jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on voyait encore les écrivains, les voyageurs, les touristes rêver de ce passage dans le canal, depuis la Méditerranée jusqu'à la mer Rouge. On a une quantité de textes émus, de poèmes, etc. Et qu'à partir de cette période, de ces années 60, 70, ce sont essentiellement des navires qui portent des matières premières. Et puis le pétrole, chose tout à fait nouvelle, évidemment, qui n'existait pas du temps de Lesseps. On est très loin du temps où, par exemple, Jules Verne faisait passer Phileas Fogg, poursuivi par le détective Fick, dans le canal de Suez, et Port Saïd, Ismaïlia et Suez même. Ça fait partie des voyages extraordinaires de Jules Verne, ça s'imposait. C'est le lieu que l'on traverse lorsqu'on va vers l'Orient, et c'est une évocation qui est à l'esprit de beaucoup de ceux qui ont lu dans leur enfance les voyages extraordinaires. Écoutez donc, Caroline Piquet, écoutez cet extrait de l'interprétation sous forme de pièce de théâtre sonore du Tour du Monde en 80 jours qui est due à la Comédie Française, et cela remonte à 1954. Le quai qui borde le canal de Suez et qui sert de débarcadère. Un café avec table et tenture à la mode turque, les bureaux de Mustafa Pacha, gouverneur de la ville. On aperçoit des navires à l'ancre, des barques, des machines à draguer. Au loin, la plaine arabique terminée par des montagnes. Européens et fellahs vont et viennent sur le quai et sur la place. Mustafa Pacha sort de ses bureaux, congédiant deux individus en leur donnant des papiers. Il est vêtu comme un Européen élégant. Paraît à ce moment un étrange personnage. C'est un policier anglais du nom de Fix. Allez, messieurs. Ah, monsieur le gouverneur. C'est vous, monsieur Fix ? Oui, excellence. Et votre excellence, à laquelle le gouvernement anglais a bien voulu me recommander, n'a rien à m'apprendre. Rien, monsieur. Aucun étranger suspect n'a été remarqué dans la province et n'a débarqué à Suez. Ce n'est que trop vrai, excellence. Voici déjà 15 jours que je suis ici, que je ne quitte pas ce quai, que je dévisage les passagers de tous les paquebots pour tâcher de reconnaître le voleur de la Banque d'Angleterre, et rien. Un peu de patience, monsieur. Les voleurs ne sont pas toujours si pressés de se faire pendre. À propos, vous savez que le Mongolia a été signalé hier au large de Port Saïd. Il ne peut donc tarder à arriver. Et le Mongolia vient directement de Brindisi. De Brindisi, où il a pris la malle des Indes, samedi à 5h du soir. Et il va à Bombay. Directement. Mais il s'arrête ici à Suez ? Une heure seulement, le temps de faire son charbon. J'ai comme un pressentiment que mon homme doit être à bord du Mongolia. Vraiment ? Et s'il y est, que ferez-vous ? Peut-être votre excellence consentirait-elle à s'assurer de sa personne. Et songez-vous, monsieur, arrêtez un sujet anglais et qui ne sera peut-être pas votre voleur. Vous voulez donc brouiller le Khédive avec sa gracieuse majesté? Ah non! Je suis sûr qu'on a reconnu, et vous en particulier, Caroline Piquet, qui êtes mon invitée ce matin pour parler du canal de Suez, je suis sûr que vous avez reconnu la voix dans le rôle de Fix du très regretté Michel Galabru. La littérature est d'ailleurs plus large, très riche. Cela fait partie presque des passages obligés de tous ceux qui, dans l'entre-deux-guerres, voyagent. C'est la mode des tours du monde, non plus le tour du monde de Phileas Fogg, mais des écrivains, Jean Cocteau, Paul Morand, par exemple. Puis rappelons que Jules Verne était un ami aussi de Ferdinand de Lesseps, et que ça traduit aussi le sentiment que le canal de Suez met le globe à portée de main. Et effectivement, à partir de la fin du XIXe siècle, il symbolise le voyage vers l'Orient. Donc on y rencontre les écrivains, mais aussi les aventuriers de tout poil qui se rencontrent à Port Saïd. Alors Port Saïd, c'est une ville où se croisent l'Orient et l'Occident, des marchands indiens, des Égyptiens, des soldats britanniques, des employés français, des ouvriers grecs. C'est une ville totalement internationalisée. Donc il y a tout un imaginaire qui se poursuit jusqu'à la fin des années 40, 50, à un moment où progressivement l'avion l'emporte quand même sur les longs trajets qui favorisaient d'ailleurs la plume des aventuriers. Progressivement, le canal se reconvertit dans des activités essentiellement marchandes. Il y a un beau texte de Paul Morand dont je vous lis quelques extraits qui remontent à 1936. Paul Morand, grand voyageur de ces années-là et qui avait vraiment un œil, comme on dit. La petite gare du canal de Suez, avec son bureau vigie, avec son mât et son gréement, ressemble à un vaisseau engravé qui ne partirait jamais. Les coureurs de globe rient de son immobilité. Ils sont sûrs de la retrouver là dans un mois, quand ils reviendront des Indes. Dans deux mois, quand ils reviendront d'Australie, battus par la mousson et raflés par les accostages, blanchis de sel. À l'époque de ce récit, se développent en Méditerranée les croisières de luxe et le canal de Suez va être une artère privilégiée pour ces croisières. Alors le commerce des voyageurs donc concerne à la fois ces premiers touristes, qui la plupart du temps sont des touristes fortunés, mais il concerne aussi les immigrés alors qui partent vers l'Australie en particulier. Donc c'est toute une faune qui traverse le canal de Suez. Et sur un siècle, on peut lire donc l'évolution du commerce maritime. Au 19e siècle, le canal de Suez reflète le développement des économies nationales avec du côté nord l'exportation des produits manufacturés et du côté sud l'exportation des matières premières et agricoles. agricole. Progressivement, on voit apparaître le pétrole. Dans les années 20-30, le pétrole qui va s'affirmer comme la première marchandise, surtout dans les années 50 et 60, jusqu'à représenter presque les trois quarts du tonnage à la veille de la guerre de 1967. Il y a eu un moment très difficile, c'est évidemment les suites de la guerre des six jours jusqu'à la guerre du Kippour, c'est-à-dire 7 ans de fermeture. L'Égypte reprend brillamment la suite des Français, grâce notamment à l'aide des ingénieurs et pilotes grecs et russes. Et elle connaît 10 ans d'activité commerciale très florissante. Malheureusement, la guerre des six jours en 1967 met un terme à cette envolée des bénéfices du canal de Suez. Le canal va devenir une frontière militaire, ce qui est tout à fait nouveau dans son histoire. Oui, c'est une catastrophe. Jamais dans son histoire, que ce soit durant les deux guerres mondiales ou la crise de Suez, le canal n'a été bloqué plus de 15 jours. Or, avec la guerre des six jours, le canal va se transformer en frontière militaire durant 8 ans. 8 ans, c'est-à-dire 8 années de perdu pour l'Égypte en termes de bénéfices, de recettes du canal de Suez. Et en 8 ans, le commerce maritime évolue et surtout la flotte navale se modernise et c'est l'ère des super-tankers. Alors, lorsque le canal est réouvert en 1975, il a perdu sa suprématie dans le commerce du pétrole. En revanche, il va assurer sa compétitivité grâce au commerce des marchandises, essentiellement venues d'Asie, avec le passage des porte-conteneurs. Il est donc indispensable pour le canal de Suez en 1975, à sa réouverture, de mener de grands travaux d'aménagement et de réadaptation à la marine marchande. Le président Sadat poursuit les travaux qui avaient été interrompus en 1967, avec un grand plan de doublement du canal en 1980. Le plan de 1980 aboutit à un doublement du canal sur 40%. Le problème, c'est que le canal est une infrastructure en évolution permanente, puisqu'il est confronté à la fin du 19e siècle à de nouveaux cargos, de nouveaux tankers toujours plus grands, ce qui explique la décision du président Sisi aussi de mener à bien un nouveau programme d'élargissement. Donc c'est à la fois une décision politique, évidemment, mais c'est aussi une décision économique afin de rester compétitif face au nouveau canal de Panama. On peut aussi ajouter la dimension de lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas indifférent pour comprendre les ambitions du maréchal Sisi et de son peuple concernant le canal de Suez. En effet, la réappropriation de l'espace est aussi pensée comme un rempart pour faire obstacle aux groupes djihadistes du nord du Sinaï. Le développement économique était déjà mis en avant par Sadat en 1975 comme un moyen de se réapproprier l'espace et de faire de l'isthme national une région décisive du territoire national. Et c'est pourquoi il reste très, très important dans l'ordre du concret et dans l'ordre du symbolique. C'est ce que nous avons tâché d'expliquer au long de cette conversation, Caroline Piquet. Conversation dont je vous sais gré. Je voudrais citer plusieurs de vos ouvrages. L'un qui s'appelle, et c'est exactement notre sujet de ce matin, « Histoire du canal de Suez », que vous avez publié chez Perrin en 2009. On me dit qu'il serait épuisé. Et par conséquent, il faut absolument le rééditer, éventuellement en livre de poche. Vous avez publié également antérieurement « La Compagnie du canal de Suez », une concession française en Égypte, ça c'est une histoire d'entreprise plutôt, de 1888 à 1956, c'est-à-dire jusqu'à la nationalisation, qui est parue aux presses universitaires de l'université Paris-Sorbonne, à laquelle vous appartenez, parue en 2008. Vous avez également donné un ouvrage consacré aux pays du Golfe, avec comme sous-titre « De la perle à l'économie de la connaissance ». Publié chez Armand Collin en 2013. Et puis, rendons hommage au livre de Nathalie Montel, « Le chantier du canal de Suez, 1859-1869 », paru en 1998. Vous avez fait fond personnellement sur ce travail. L'ouvrage Nathalie Montel est fondamental pour comprendre le chantier du canal de Suez, comment ce chantier représente à la fois la synthèse des avancées techniques et industrielles du 19e siècle, mais aussi comment il les accélère pour, dans certains domaines, notamment le dragage ou bien le béton aggloméré. Merci Caroline Piquet, merci. Je rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs qu'ils peuvent trouver une bibliographie plus complète sur notre site. À vrai dire, je pense qu'ils le savent désormais, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés et qu'ils peuvent écouter, réécouter et télécharger cette émission pour la garder indéfiniment. Samedi prochain, nous parlerons de l'actualité de Jules Renard, grand auteur, peut-être un peu méconnu, auquel je voudrais que nous consacrions cette émission. Et mon invité sera le grand spécialiste de cet auteur, qu'est Stéphane Gugelmann. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec le précieux concours de Nathalie Lempereur et de Jeanne Guéroux. Une émission réalisée par Patrick Molinier, avec à la prise de son Élise Leu, à la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archivina, Aude Vassan. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour Affaires étrangères.